Bonjour chères auditrices et auditeurs, l'association Ralentir pour vivre nous embarque dans une aventure hors du commun. Que dire, quoi dire? Je ne saurais. Laissons donc la place à ces visiteurs venus de la Lune enquêter sur la vie sur Terre à la rencontre des terriens. Bon ben voilà, on a atterri à les voir, hein. Ici on est au milieu de nulle part. Je sais pas, il y a des terriens là-bas. Puis là, il y en a un. Il y en a un qui se marre. Vous êtes terrien depuis longtemps, vous? Eh ben maintenant, 34 ans. Wow! Oh ben dis donc, puis vous êtes dans quel secteur de vie ou d'activité? Oh, secteur intermédiaire. Intermédiaire. Ouais. Intermédiaire. Voilà, parce qu'il y en a un d'un côté, puis un de l'autre, puis il y a un intermédiaire. C'est ça. C'est ça. Au milieu, à peu près au milieu. Là. Au milieu, d'accord. Alors, si on pouvait comparer votre vie à un rythme de musique, ce serait lequel, le genre de musique? Eh ben, je pense que ça se rapprocherait un peu du reggae, mais de temps en temps un peu plus rapide. Et pour quelle raison, de temps en temps un peu plus rapide? J'aime bien quand c'est cool, mais j'aime bien quand ça bouge... vite aussi. Je vois ça, vous aimez bien quand ça bouge vite. C'est bien ce qui nous semblait depuis la Lune, il y avait plein de gens qui couraient dans tous les sens. Feriez-vous partie de ces gens-là de temps en temps? Ça m'arrive. Ah, d'accord, je comprends. Et puis si vous aviez une contravention parce que vous aviez trop speedé dans la dernière semaine, vous en auriez eu combien? Oh, pas mal. Bon, une bonne dizaine, je pense. Une bonne dizaine. Mais ça vous sert à quoi? Enfin, oui, vous avez speedé, vous aviez des raisons pour speeder? L'envie de faire plein de choses. Ah, l'envie de faire plein de choses. Des fois, on est sur la Lune, on ne comprend pas tout. Et on n'a pas assez d'une vie pour tout faire, donc il faut y aller, quoi. Ah, oui. Bon, il y a la réincarnation, si jamais, non? Il y en a qui y croient. Voilà. Vous pourriez y croire, comme ça, vous auriez assez de vie pour tout. Ça peut être une solution. Je ne l'ai pas encore adopté, mais ça peut être une solution. Voilà, comme ça, vous ne serez pas en retard d'une vie. Et puis, si vous pouviez racheter des heures supplémentaires par jour, vous en rachèteriez combien? Une petite dizaine. Waouh! Sur 24, vous mettriez 10 heures de plus, 34 heures par jour. Ouais. Purée, mais vous en feriez quoi de vos 10 heures? Passer plus de temps avec ma fille, passer plus de temps à lire, à regarder des films, à jouer un peu sur l'ordinateur, à passer du temps. Ouais. Voilà. Ouais, ça ne mange pas de pain, quoi. Non. Un peu d'heure en plus, quoi. Ouais. Question de souffler. Exactement. Ah, c'est ça. J'ai compris. Bon, ben, je vous remercie infiniment, monsieur Terrien. Avec plaisir, bon retour. Merci. C'est ça. Donc le morceau qui suit s'appelle Rock Adam, on est sur le prochain album. Facing your rock, gonna step back on. But indeed all alone. Not first them long, eh? So many came up all alone. Yeah, many of them stays down, fighting this all alone. So many times lost in up these facing forces. And now me say, jump, jump, go over on face on. You're like a gun, step on son, no walk alone. Go over on play on, get the pun, let on. Don't do all alone, do all alone. Who are on face on your rock on? Step on son, no walk alone. Who are on play on? Get the ball and run. Don't do all alone, do all alone. Who are I why? Them say them are running so far. Day and night we just find a better way we fight. This is the jump and vanity pay at the shop PlayStation. Doing this the music them. Day and night with my dem a sing a music. Free all of them and my sing about my music. this is a song of blowing up to my mind. This is a song of blowing up to my soul. Let your heart them flow the reason. When the voice give you emotion, because the music rocking my world is never getting old. Never getting old. I want me to me say that me day and night me singing about my reggae music. Me all of them me you sing about the music. That's the problem reason. If I love the right, me day and the night me just playing the music. This is the song coming from to my mind. This is the song coming from a my soul. This is the song rocking, rocking to my bone. This is the song rocking, rocking to my bone. This is the song born in the in Africa. Well, them right away you rise up in the Jamaica. This is the song born in Africa. Well, right away you rise up in Europe. Well, everywhere you go, then the people dance the music. Everywhere you been, the people dance the music. Well, them singing about my peace and love. Well, I'm gonna sing about my peace and love and unity. Well, I'm gonna just live it simple and I'm gonna be the umbra. And my lady simplicity way of my life. Sing about my peace and love and unity. Yes, big up to my brother. It's a long time. This is the music coming from the heart and the soul. Oui, alors on est arrivé à Les Voivres. Depuis la Lune, on a quand même changé parce qu'on était à Épinal. Et donc, tic-tac-toc-tuc, ils sont tous en balade, tac-toc-tuc. Il n'y a que Tac qui est là, donc c'est moi, et qui vais vous interroger parce qu'en fait, on est des gens atterrissant de la Lune et on a vu beaucoup de terriens courir comme des fous et on voudrait savoir. D'abord, on va vous poser une petite question. La tranche d'âge, alors il y a 15-25, 25-40, 40-60, 60 et plus. 60 et plus. D'accord, ok. Bon, ok. Dans quelle activité, secteur d'activité, même si vous êtes, juste en gros, hein, c'est juste. Aide-soignante à domicile. Voilà, intéressant. En retraite. En retraite, très intéressant. Ben voilà, une terrienne qui maintenant a un peu de temps. Alors, justement, on va vous poser une question. Si vous pouviez comparer votre rythme de vie avec un style ou un genre de musique, ce serait lequel ? La musique classique. Ah, intéressant ça. Et pourquoi la musique classique ? Parce que je trouve que c'est reposant. Voilà, et votre vie, elle est comme ça, comme la musique classique. Hein? Oui. Oui. Oui, oui. Bon, elle est jalonnée de haut, de bas, mais en règle générale, ça va. Oui, mais comme la musique classique, parce voilà. Que ça bouge quand même. Ouais, voilà, oui. il y a des hein, des très hauts et, oui. Et des très voilà. Bas, oui voilà. C'est pour ça. Mais entre deux, c'est quand même tranquille. C'est le calme. Oh, bah c'est une bonne nouvelle, nous qui vous voyons courir c'est depuis. La ressource. Voilà, nous qui vous voyons courir depuis la Lune, on se dit que quand même, non, il y en a qui savent trouver le calme. Deuxième petite question. Si vous aviez des contraventions, je ne parle pas de la voiture, je parle de vous, quand vous speedez trop. La semaine dernière, vous auriez eu combien de contraventions ? Oh, je crois que j'en aurais pas eu parce que je suis pas du genre à speeder. Oh, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Bah, ça va avec la musique classique. Ah oui ! Donc, en fait, vous speedez pas ? Pas vraiment. Pas vraiment. Mais je suis pas lente. Juste ce qu'il faut, quoi. Mmh. Voilà, ni trop, ni trop peu. Voilà. Voilà, c'est bien. Dernière petite question, si vous pouviez acheter des heures supplémentaires par jour, d'abord, en achèteriez-vous ? Et ensuite, combien si vous en achetiez ? Je crois pas que j'en achèterais. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça ! Aussi ? Oh, oui. Décidément. Oui ! Oui, oui, oui, vous n'en achèteriez pas. Vous avez assez de vos heures par jour. Mais oui. Oui. Pourquoi faire ? Voilà. Vous êtes... temps pour tout. Voilà, vous êtes contente d'aller vous coucher, en gros. Oh, oui, puis de me lever aussi. Oh, oui, puis vous lever. Bon, bien sûr, puis de travailler, puis... Voilà, oh bah écoutez, moi ça me paraît fabuleux. On vous remercie infiniment, Madame la Terrienne, de vos réponses. Merci, à vous. Voilà. Voilà un autre terrien. Alors monsieur, est-ce que d'abord, dans quelle tranche d'âge vous êtes? Entre 15-25, 25-40, 40-60 ou 60 et plus? 60 et plus. Ah, 60 et plus, bon. Et puis dans quel secteur d'activité? Agriculteur, en retraite. En retraite, oh mais c'est beau tout ça. Est-ce que vous avez le temps maintenant d'écouter les petits oiseaux? Oui, je suis la Catherine, oui. Ah bon, d'accord. Ah ben écoutez, c'est intéressant. Bon, ben on va vous poser une première petite question. Si vous pouviez comparer votre rythme de musique, votre rythme... Oh, mais... on va recommencer. Si on pouvait comparer votre rythme de vie à un genre de musique, vous diriez lequel ? Le rock. J'en sais trop rien, ça. Ça, vous savez pas ? Mais votre vie, elle va commencer. Le rock. Le rock, oui. Ouais, j'aime ouais. bien le rock. Ouais. Puis ça bouge bien votre vie comme ça. Oui. Ouais, elle bouge bien votre vie. Ouais. C'est, vous êtes tout le temps. Speed, oui. Tout le temps speed. Ah, alors là, ça va être la deuxième question. Elle va être pour vous. Si il y avait des contraventions quand on speed, je ne pars pas en voiture, je pars à pied. Oui. Combien vous en auriez eu la semaine dernière? Plein. Plein, c'est-à-dire par semaine 4-5. Oh, c'est pas tant que ça, vous savez, il y en a, ils en ont 10-20. Hein. Ah bon? Oui. 4-5? Oui. Oh, bon, vous êtes dans la bonne moyenne. Parce que de temps en temps, ça vous arrive de speeder. Ah oui, là. Oui. Toujours speed, moi, vos boulots. Ah ouais? Ah bon, dans ce qu'il faut, quoi. Oui, oui. Ouais, ouais. Et puis, si vous aviez l'occasion de racheter des heures supplémentaires par jour, oui. Est-ce que vous en achèteriez déjà? Ou, si jamais vous en rachetez, combien vous en rachèteriez? Non, je ne vais pas en acheter. Non? Vous avez assez de votre journée? Oui, oui. Ouais. Vous arrivez le soir, vous êtes content d'aller au lit? Oui. Ou bien vous continuez à speeder? Non. Je vais au lit. Vous allez au lit. Bon. Bon. Au lit. Donc en fait, vous faites pas partie des terriens qu'on a vu courir comme des malades depuis la lune, vous. Non. Vous courez au rythme de la nature. Voilà. Au rythme. Oui. À mon rythme. À votre rythme. Oui. Ouais. Parce que même quand vous dites que vous speedez comment? Oh ben, si je suis toujours assez speed parce que je suis nerveux, alors je suis toujours. Par exemple. Oui. Par exemple, quand vous allez au bois. Oui, au bois. Au bois, vous êtes speed. Oui, oui, pour que ça marche. Ouais, mais bon, vous devez quand même être bien concentré au bois. Ah bah oui, oui. Il faut, hein. Ah bah oui, parce que. Un accident vite fait. Ah bah oui, puis une main en moins ou une main pied en moins, ce serait pas drôle pour vous. Bah non. Ah bah non. Non, je pourrais plus venir ici. Ah bah non, alors ce serait embêtant. Bon, bah écoutez, monsieur le Thérien, on vous remercie infiniment et puis on vous souhaite une bonne journée. Oui. Merci. L'air du printemps, le soleil levant, et sous le ciel bleu, aller là où on veut. Une rivière, mille nuances de vert, le fou rire de mon frère, et la joie jusqu'au ciel, le bonheur. Si simple que ça, et pourtant si sauvage, il ne s'attrape pas. Si tu veux, si tu ne connais pas, viens on se le partage. Nos secrets précieux. Le bonheur, aussi simple que ça. Donc voilà. Donc on est arrivé là maintenant à la bibliothèque de Chapelle-aux-Bois. C'est à côté de Lévoivre. Et là, on trouve de nouveau des terriens. Alors là, on a déjà une terrienne. Donc on vous pose la première question, c'est la tranche d'âge 15-25, 25-40, 40-60, 60 et plus. 60 et plus. Ah ben voilà. Mais ils sont en pleine forme, ces terriens. Et puis dans quel secteur d'activité Ah ben maintenant je suis en retraite. Voilà. Mais j'étais dans la confection. Voilà, d'accord. Alors la première question, elle est plutôt simple. Si vous pouviez comparer votre vie à un style de musique, ce serait lequel? Du pop. Du pop? Oui. Ah, et c'est comment le pop? Parce que vous savez, moi depuis la lune, je ne sais pas grand-chose. C'est une musique qui swing, qui est gay, qui donne de l'ambiance. Ah, donc votre vie, elle a de l'ambiance. Bah, j'essaie. Ah oui. J'essaie d'en mettre. Voilà. Bah oui, il faut bien. Donc c'est intéressant. Donc voilà, donc il y a des terriens qui mettent de l'ambiance dans leur vie. Très bien. Oui, qui cherchent à avoir de l'ambiance, du positif. Oui, ça c'est beau. Deuxième question, si on donnait des contraventions quand on speed trop, je parle pas de la voiture, hein, je parle à pied ou dans la vie. Vous en auriez eu combien la semaine dernière de contraventions? Je sais pas, une. Oh bon, oh bah. Je suis calme. Oh bah c'est des calmes à la Chapelle-aux-Bois. On est discipliné. Oh bah ouais. On vit, mais on respecte les autres. Quoi. Ouais, mais bon, vous-même, vous speedez pas trop, quoi. Non, je speed pas. Non. Non, je speed pas. Vous respirez. Oui. Voilà. C'est. Vous êtes calme. Oui. Voilà. Et puis, dernière petite question, c'est si vous pouviez acheter des heures supplémentaires par jour, d'abord, est-ce que vous en achèteriez? Puis si vous en achetiez, combien? Oh non, je pense pas. Vous en avez assez? Oui, c'est bien. C'est bien? Oui. Oui. Vous êtes contente d'aller vous coucher, en gros? Ah oui, oui. Oui, oui, oui, moi, mes journées sont suffisantes. Voilà. J'aime bien dormir, j'aime bien mon lit, j'aime bien être active, mais j'aime bien me reposer. Voilà. Bon, bah écoutez, on est là avec des terriens qui ne font pas partie de ceux qu'on voit courir, parce que vous savez, depuis la lune, on en voit qui vont dans tous les sens, mais vous ne devez pas en faire partie. Ah, non. Ouais. Je vais d'un bon pas, mais je ne cours pas. D'accord. Bon, bah, je vous remercie beaucoup. Je t'en parle, cache les dans le cœur comme tu crois pas. Moi je suis pas dedans, c'est pas normal. À croire que le monde n'existe pas. C'est pas fait pour les cons qui râlent après la pluie ou je sais pas quoi. Moi j'aime mieux sous un ciel qui se balayé par un vent. Ça lui plaît. Et ce putain de gars qui résonne, quand elle a pris, tout le monde le sait. Là-bas, si c'est pas pour ta pomme, on te le fera savoir vite fait. Ils en ont vu passer des tonnes de colons et voire même dans. Que j'ai compris qu'il y a l'enfer, mais que ça vaut toujours mieux qu'une cage. Et même quand chaque jour est une guerre qui ne se lit que sur les visages, ici on ne parle pas de sa misère et encore moins de son courage. Si j'en rajoute un peu, tant pis, au début je t'ai bien dit que je l'aime. Quand on se perd tous, putain de pays, qu'un plus chaud que la bronze est ce que je t'aime. J'ai pas envie d'oublier pour lui, je filerai même des châtaignes au premier salaud qu'il détruit ou qui vous. fallait que je t'en parle, car j'ai dans le cœur comme tu crois pas. Quand je suis pas dedans, c'est pas normal, à croire que le monde n'existe pas. C'est pas fait pour les conquérants après la pluie ou je sais pas quoi. Moi j'aime mieux sous un ciel qui chape à l'ayé par un vent. Voilà, nous sommes à un repas participatif de terriens et nous allons interroger ces terriens qui sont là parce que nous, depuis la Lune, on ne comprend pas tout. Donc voilà. Donc déjà, quelle tranche d'âge êtes-vous? 15, 25, 25, 40, 40, 60, 60 et plus? 60 et plus. Hein. Ah, d'accord, ok. Quel, pas de chance. Hein. Non, c'est pas grave, vous êtes un terrien comme tout le monde, ma petite dame. Quel secteur d'activité? La retraite. La retraite. Oh, mais c'est beau, ça. Ah, c'est un beau secteur d'activité. On est bien occupés. Hein. Ah, ben ça, c'est bien. Alors, maintenant, j'ai une autre question à vous poser. Si vous pouviez comparer votre style de vie à un genre de musique, ce serait lequel? Ce serait... peut-être du rap. Du rap? Ouais. Ah ouais. Ça... Ah ouais, ça bouge, ça move. Ah ouais, d'accord. C'est pas la musique que je préfère, non. Mais je trouve que ça... Mais votre vie, elle est comme ça. Un peu comme ça. Elle bouge. Elle bouge. Elle bouge. Elle bouge. Ouais. La maison, c'est une auberge. Ah ouais. Un peu, ça va, ouais. Ça vient, ça ouais. Sort, ouais. Ça rentre. Ouais, ouais. Un moulin, on dit. Hein. Un moulin, oui. Oui. Mais moi, je dis une auberge. J'aime oui, une auberge. Oui, j'aime mieux le moulin, oui. L'auberge, oui. Enfin, bref. Et puis, deuxième petite question. Si vous aviez des contraventions parce que vous avez trop stressé la dernière semaine, combien vous en auriez eu? Des contraventions? Ben, parce qu'on stresse trop. On ne parle pas de la voiture, on parle de nous. Ah, je ne stresse pas beaucoup, moi. Pas de contraventions? Hop, ouais, deux, on va dire. Allez, pour être correct, quoi. Ah, quand même. Ouais, quand même, on va peut-être pas. Trop idéaliste, hein. Ouais, voilà, bon, d'accord, ok. Et puis, dernière question, si vous aviez la possibilité de racheter des heures par jour, combien en achèteriez-vous et est-ce que vous en achèteriez? C'est vrai qu'il m'en manque toujours des heures pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Mais finalement, c'est plus sage de ne pas en racheter. Ah bon? Oh, ouais. Mais qu'est-ce qu'on rencontre des terriens sages? Ah, ah. C'est l'âge, ça. Ah, c'est beau. Ah, c'est l'âge. Ah, ben c'est beau. Ben, on vous remercie infiniment. Avec plaisir. Merci. Petit frère n'a qu'un souhait de devenir grand. C'est pourquoi il s'obstine à jouer les sauvages dès l'âge de 10 ans. Devenir adulte avec les infos comme mentor, c'est éclater les tranches de ceux qui ne sont pas d'accord. À l'époque où grand frère était gamin, on se tapait des délires sur Blanche-Neige et les sept nains. Maintenant les nains, on gicle les Blanche-Neige et tape éclate des types claques dans Mortal Kombat. À 13 ans, il aime déjà l'argent, avide mais ses poches sont parides. Alors on fait le caïd dans des boums qui sont désormais des soirées. Plus de sirop dessert, petit frère de tes pierres. Je ne crois pas que c'était volontaire, l'adulte c'est certain. Indirectement a montré que faire le mal c'est bien. Demain ses cahiers seront pleins de ratures. Petit frère fume des spliffs et casse des voitures. Petit frère a déserté les terrains de jeu. Il marche à peine et veut des bottes de sept lieues. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère. Petit frère rêve de bagner bagnole, de fringues et de thunes, de réputation de dur. Pour tout ça, il volerait la lune. Il collectionne les méfaits, sans se soucier du mal qu'il fait, tout en demandant du respect. Peu lui importe de quoi demain sera fait. De donner à certains des raisons de mépriser son cadet. Dans sa tête, le rayonnement du tube cathodique a étouffé les vibrations des dames-dames de l'Afrique. Plus de cartables, il ne saurait pas quoi en faire. Il ne joue plus aux billes, il veut jouer du revolver. Petit frère a jeté ses soldats pour devenir un guerrier. Pensez au butin qu'il va amasser. Petit frère a déserté les terrains de jeu. Il marche à peine et veut des bottes de 7 lieux. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère, petit frère. Les journalistes font des modes de la violence à l'école, existait déjà. De mon temps, les rackets, les bastons, les dégâts, les coups de patte dans les pare-brises, des tirs des instituteurs, embrouille à coups de cutter. Mais en parler au journal tous les soirs, ça devient banal. Ça s'imprime dans la rétine comme situation normale. Et si petit frère veut faire parler de lui, il réitère ce qu'il a vu avant 8h30. Merde, en 80 c'était des états de fait, mais là ces journalistes ont fait des états. Et je ne crois pas que petit frère soit pire qu'avant, juste surexposé à la pub aux actes violents. Pour des grandes gosses et de meilleurs citrons, la cible numéro 1, le terrain des produits de consommation. Et pour être sûr qu'ils s'en procurent, petit frère s'assure, flingue à la ceinture. On sait ce que tu es quand on voit ce que tu possèdes. Petit frère le sait et garde ce fait en tête. L'argent lui ouvrirait les portes sur un ciel azur aussi facilement que ses tournevis ouvrent celles des voitures. Le grand standing et tout ce dont il a envie, ça passe mieux quand tu portes un Giorgio Armani. Soucieux du regard des gens, malgré son jeune âge, petit frère fume pour paraître plus grand. Il voudrait prendre l'autoroute de la fortune et ne se rend pas compte qu'il pourrait y laisser des plumes. Il vient à peine de sortir de son œuf et déjà petit frère veut être plus gros que le bœuf. Petit frère a déserté les terrains de jeu. Il marche à peine et veut des bottes de 7 lieux. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère, petit frère. Voilà encore une autre terrienne qui est en train de se cacher avec des petits biscuits. Non, je suis en train de trier des petits biscuits. Alors, quelle tranche d'âge? 15-25, 25-40, 40-60 ou 60 et plus? D'âge mental ou d'âge réel? Alors, c'est à vous de choisir, madame. Eh bien, si vous voulez, je vous donne mes deux âges. Oui. 13 ans et demi. Oui. Et 60 et plus. Ah, d'accord. Ouais. Oh bon, d'accord, oui, je vois. Oui, bon. Et puis, quel secteur d'activité étiez-vous ou êtes-vous? Alors, j'étais... Et puis, ben, je suis toujours fidèle à moi-même. Oui. Donc, je suis dans, on va dire, l'aide à la personne, on va dire. Allez. Bon, bah, c'est très bien, c'est très intéressant. Maintenant, on va vous poser une question. Si vous pouviez comparer votre genre de vie avec un genre de musique, ce serait lequel? Si je vous donne 20 euros à manger. Non. Non. Non, non, non, non, les, vous savez, 50, les terriens. 50 euros. Non, les terriens, vous êtes quand même bizarre. Hein. Ouais. Vous mangez l'argent. C'est des sous à manger, ça. Tu vois pas, ça, pour décorer. Non. C'est pour décorer des non, mais, genre de musique par rapport à votre style de vie, ma petite dame. Rock, rock, rock, rock. Ah, votre vie est rock and roll. Ouais. Comment ça? Rock and roll. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire un peu acrobatique parfois, des fois un petit peu. Oui, enfin, c'est toujours dans le rythme, quoi. D'accord, ok. Et si on vous donnait des contraventions parce que vous avez trop speedé? Je parle pas de la voiture, je parle de vous. Ouais. La dernière semaine, vous en auriez combien? Je crois que je ne sais pas compter aussi loin, en fait. Ça voudrait dire beaucoup, ma petite dame. Mais peut-être. Je ne sais pas compter aussi loin, je vais m'arrêter. Ah, il y a des terriens qui ne savent pas compter aussi loin. Non. D'accord. Et si vous pouviez racheter des heures supplémentaires par jour, vous en rachèteriez combien? Il faudrait rajouter... Moi, la journée idéale, ça serait 48 heures par jour. D'accord, mais vous en feriez quoi de ces 24 heures supplémentaires? Ah ben, je trouverais à m'occuper. Ah bon? Oui, je pense. Ah, d'accord. Bon, donc, si je comprends bien, 48 heures par jour. Oui, parce que je me suis rendu compte... 24 heures... Bon, ben, écoute, les siestes... ça fait un moment que j'ai pas fait de sieste, tiens. Ce serait peut-être une activité... Bon, on vous remercie beaucoup. J'avais déjà proposé des ateliers jeûnes. Je me suis dit, je vais inviter les copains et les copines à faire un petit jeûne. Je vais faire aussi Ça m'intéresse, moi. Jeûne ou alors sieste. Peut-être que ça attirera plus le monde, parce que quand on dit, viens chez moi à midi, on fait un jeûne. Personne ne vient. Peut-être que si j'invitais tout le monde à faire une sieste, ça marcherait mieux. Ces terriens sont surprenants. Merci beaucoup. Come every boat, come around. Listen to the river, rock a bit of sound. We came from the south, you will say. So listen everybody, just come on, lay from the better of the baby. Let's play out. So do the page, we can let you do rock out. Feet is rock a bit, your feet is rock and roll. You can't imagine just how much I love this song. Rock, rock, rock a bit of sound. Rock, rock, rock a bit of sound. Rock, rock, rock a bit of sound. Rock, rock, rock a bit of sound. Moving, grooving all around. Rock, rock, rock a bit of sound. So come get around on my guitar and start a dance over with your heart. I twist your cat close and don't you stop. I listen to the boogies and do the bar. From Elvis to the Bugs and the rock and roll. From Jerry Lee to Eddie Crowe and Howard the Ball. Bill Halley, Barry Lee, Richard and the rest. Jimmy's fat and all these cats are the best. Rock, rock, rock a bit of sound. Rock, rock, rock a bit of sound. Rock, rock, rock a bit of sound. Rock, rock, rock a bit of sound. Move it, groove it all around. Have a rock, rock, rock. Take a little rockabilly queen. I say move groovy, do the ring-a-ling. Rock, rock, rock a bit of sound. Rock, rock, rock a bit of sound. Rock, rock, rock a bit of sound. Rock, rock, rock a bit of sound. Moving, grooving all around. Rock, rock, rock a bit of sound. Yeah! Nous voilà avec un terrien qui est au coin du feu, car apparemment sur cette terre il fait vraiment froid. Voilà. Bonjour monsieur le terrien. Bonjour madame la lunaire. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, est-ce que vous êtes dans la tranche d'âge 15-25, 25-40, 40-60 ou 60 et plus ? 60 et plus. Ah, ça c'est intéressant. Quel âge ? Oui, l'âge de la jeunesse plus tardive que les autres. Et de la sagesse, ah oui, ça c'est bien. Dans quel secteur d'activité étiez-vous J'étais éducateur spécialisé. Ah. Je m'occupais de jeunes adultes, je m'occupais de leur insertion professionnelle essentiellement. Ouais. Voilà, et puis j'ai terminé en étant éducateur technique, en maraîchage, permaculture, tout ça. Oh, intéressant. Super. Oh, ben, y a des terriens qui font des choses fortement intéressantes. Alors, la première question, ça va être, si vous pourriez comparer votre rythme de vie avec un genre de musique, ce serait lequel ? Ah, ça serait plutôt, je sais pas, reggae, un truc un peu cool comme ça, je pense. Ouais, donc tous ces terriens qu'on voit courir depuis la Lune sur la Terre, vous n'en faites pas partie ? Non, pas vraiment, non. Non, il n'y a pas d'urgence, non. Non, c'est pas, peut-être c'est pas la peine de se presser, c'est pas le meilleur moyen d'être efficace, peut-être. Bon. Intéressant. Et un point de vue qui est intéressant. Maintenant, on va vous poser une autre question. Si on établissait des contraventions quand on speed trop, et on ne parle pas de la voiture, là, on parle de speeder trop dans la vie, combien en auriez-vous eu la semaine dernière ? Oh, j'ai pas trop envie d'envisager l'histoire des contraventions. Moi. Je trouve que c'est pas une vision très réjouissante. On ne sait jamais, on y va peut-être, on va peut-être réussir à contrôler nos déplacements et tout, mais je ne sais pas. Combien de fois alors auriez-vous speedé en dehors de la contravention, que je comprends votre aversion, mais combien de fois auriez-vous speedé dans la semaine qui vient de passer là? J'ai eu une semaine très particulière, hein, vu que j'ai enterré ma maman. Toutes nos sincères condoléances. C'est tellement particulier que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de choses à faire et pas mal de stress, mais ça ne correspond pas à une semaine ordinaire. Quand même. Alors on va prendre une autre semaine, voilà. Une autre semaine, ça dépend beaucoup des saisons quand même. Moi je pense en hiver j'ai moins d'activités qu'au printemps par exemple, puisque je suis assez intéressé par le maraîchage et... C'est quand même très saisonnier comme activité. D'accord. Donc, dans une moyenne, allez, on pourrait dire que par semaine, vous speedez combien de fois ? Ah, ça peut être tous les jours quand il faut. Ah, d'accord. Ah. Mais c'est pas forcément sur la journée, c'est des coups de speed. J'aime bien plutôt être actif le matin. Et être plus sur une phase de repos, des activités plus calmes l'après-midi, quoi. Oh, mais vraiment, il y a des terriens qui sont d'une sagesse à vous faire rougir, carrément. Voilà, alors la dernière question. Si vous pouviez acheter des heures supplémentaires par jour, déjà, en achèteriez-vous ? Et si oui, combien ? Oh. Je ne sais pas trop quoi répondre. C'est pas facile. Est-ce que vous auriez besoin de plus d'heures dans une journée ? Peut-être à certaines périodes, c'est toujours pareil, mais non, je crois pas. Non, je suis bien fatigué quand le soir arrive, donc si j'avais des heures en plus, je serais encore plus fatigué. Donc je pense pas que mon corps est fait pour faire plus d'heures. Ça va, j'en ai assez. Ah, donc vous faites partie des terriens modestes qui sont très contents d'avoir leurs 24 heures. C'est déjà pas mal, je trouve. Voilà, ouais. Et qui se reposent le soir comme c'est la logique. Ouais, je pense que si j'avais plus d'heures, je risquerais de les utiliser bêtement devant un écran ou je ne sais quoi. Donc comme je n'y tiens pas, que je valorise pas trop ces activités. Non, j'en ai assez. Oh ben, écoutez, on vous remercie vraiment infiniment parce que votre témoignage est hyper intéressant. Et puis, on vous souhaite une très belle journée. Bonne journée. Merci. Suck it in your backpack. The smell of your girlfriend contact. Some boy not know this. Them only come around like tourists on the beach with a few club sodas. Bedtime stories and pose like them named Chuck Norris. And don't know the real hardcore. Cause sandals are not back to. The thugs them we do where them got to. And won't think twice to shot to. Don't make them spot to. Unless you carry guns a lot to. A beer tough thing come at you. When trench town man stop laugh and block off traffic. Then them we learn pop off and them start trap it. We dip in file long and it a beat trap it. Police come in a jeep and them can't stop it. Some say them a playboy rabbit. Get dropped like. like a bad habit. Son of a da post off if you don't have it. Rastafari stands alone. Pure ghosts and phantom. The youth them get blind by stardom. Now the king of kings are called. Old man to pick me. So wave on no one if you with me. To see the sufferation sick me. Them suit no fit me. To win election them trick with them. Them don't do nothing at all. Come on let's face it. A ghetto education's basic. And most of the youth them waste it. And when them waste it, that's when them take the guns, replace it. Then them don't stand a chance at all. And that's why enough little youth have up some fatmatic. With the extra magazine in a them back pocket. And a bleach at night time in a some black jacket. All who know lock, said them a lock rocket. Them we pull you up a current like a shock socket. Them we run a road block, which by the cops block it. And from now till a morning, no stop clock it. If them run out of rounds, I broke back ratchet. Southside, north side. East coast, west coast. Yo! Cornwall, Middlesex, and Surrey, y'all. Hey! Out in the street, they call it Voilà. Alors, nous venons interroger ces terriens. Alors là, on a une terrienne en face de nous, une autre. On voudrait juste savoir, vous êtes dans quelle tranche d'âge? 15, 25, 25, 40, 40, non, 60, non. 69. 60 et plus. Ouais. Ça nous suffira, on ne fait pas de tranche au-delà. Et puis, dans quel secteur d'activité vous étiez ou, voilà. J'ai passé les dernières années dans le financier au Luxembourg, mais avant j'étais styliste de mode, donc d'accord. Quelque chose complètement différent. Voilà. Alors la première question, si vous pouviez comparer votre style de vie avec un genre de musique, ce serait lequel de genre de musique? Le reggae. Ah, bien. C'est joyeux, c'est... Vous avez une vie comme ça, joyeuse? Oui. Ouais. Donc avec un rythme tranquille. Oui, absolument. Même s'il y a des turbulences dans ma vie, ça m'inquiète pas plus que ça. Je sais pas si j'ai trouvé une noix. Non, c'est très bien. Voilà. Donc une deuxième question, c'est si vous aviez des contraventions parce que vous speedez trop, mais pas en voiture, dans la vie. Vous en auriez eu combien la semaine qui vient d'arriver? Aucune. Aucune? Oh, mais c'est beau, ça. Oh, mais c'est terrien qui vivent tranquille. Oui. Oh, on ne sait pas, depuis la Lune, on envoyait des courriers dans tous les sens, mais ça ne devait pas être vous, hein? Non. Pas du tout. Non, c'est plutôt zen, ma vie. Ah, d'accord. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Et alors, une autre question, c'est si vous pouviez racheter des heures supplémentaires par jour, est-ce que vous en rachèteriez et combien si vous en rachetiez? Non, dans le temps j'étais plutôt plus speedée que maintenant, mais avec l'âge je pense que je me suis calmée, donc je trouve qu'il y a assez d'heures aujourd'hui. Ce sont des très belles nouvelles, merci beaucoup. Mr. President, distinguished delegates. Ya alam tatata awakinna le salam gudaim masanakil yihonutun hullu aynatanya chigroj izi lay linataksacho infaqdalen. Since the beginning of modern civilization, generations of weakness and inherited only conflicts. of world wars. But behold the marriage supper of the lamb and bridegroom unto his bride. Then shall the earth's children know the true expression of one love. Then Mother Earth shall honeymoon in peace, forever eliminating aspirations, lust, and anguish of wars and rumors of wars. Now the innocent growing up in papers and propaganda spreading in a dissonant papers. Not even Superman could have saved you in the chaos. Grant a judgment, a place. And Babylon, a gambling union, life like racers. And give them a uniform and a shame, them happy praises. And now the clock has struck one on the amazers. In a damn church is trying to save us. Can we do it? We can do it. We shall do it. Boom! Tell them finna draw me out. When the world government in a falling out, only few man survive crawling out. Run left him colleague them sprawling out. Nearly dead, they dig up for all him out. And him too tranquilize up his stall him out. The fan base can't get no calling out. When him hear from the shout last week, him mistress find a new shoes. Wife can't get no news and lately she starting to doubt. She's still searching and the youth them balling out. Working hard to not let it all come out. Well it's not safe to go walk about. A slaughterhouse, some bug that to water out. She start to rouse, sometimes she want a spouse. She start go out, start beat a dog a stout. Guns come out, working people funds run out. Keep a show last week and no one come out. Bombs come out, make your tongue just run out. Bumbo car, the scotch tape just run out. We run out, your senses must come out. Never pound round a bug, they a grass run out. Now come out, till it's a list burn out. Now come out, till it's a list burn out. A war, Zimbabwe to Berlin Wall. Blazing like a burning ball. Who's ball at no working bar? Sleeping at no working bar. Can't wear Jerry Berlin bar. No diamond on Berlin bar. Can't drink with a serving bar. Can't sweep up off your nerves in bar. Shut your blood off your shirt in bar. Can't go lift up no skirt in bar. No disease and the germs in bar. Can't go release your sperms in bar. Stamina must preserve in bar. Fire constantly burning bar. Ready, ready. And growing up in papers and propaganda spreading in the Sunday papers. Not even Superman could have saved you in the chaos. Read the judgment a place. And Babylon a gamble union life like racers. And give them a uniform and a shame them happy praises. And now the clock has struck one on the amazers. Hey, trying to save. Now our parents sacrifice enough. Them blood, sweat and tears run like syrup. In the day revolution might erupt. And the skies over Kingston lighting up. For the new generation rising up. Of youths nowadays where them sighting up. And true reasoning them biding up. Searching for the sign and the sign is us. Searching for the truth all you find is us. Searching for the truth still behind is us. The almighty recruit and we come from the root. We feel like grudge killing boot. Just stand on Rastafari, design me tough. If I defy for freedom, sign me up. Can you tell my vision can't blind me up? Soldiers and police, them wise enough. Realizing they're no more right than us. Realizing there's no use fighting us. Realizing they open their eyes to see the same team moralizing life as us. So we not take talk, not smiling up. Got the world temper tantrum boiling up. Banu, calling the shots and a bus. None controlling the mind of the young. Bring down fear from in the rain of fall. From London to Nederland Mall, all the son of the Virgin Mall, Institute of the Church in War, preaching and researching war, drug twists and rehearsing war, teaching and them learning war, instigating and urging war, always keep alert in war, when we jump out a swerving car, now the bees and the birds in war, and the freaks and the nerds in war, and the straight and the curves in war, forward and reverse in war, ready, ready. You rest of imbeciles, you rest of guts and nothing. If you cannot do what other men have done, what other nations have done, what other races. have done, then you have better die! C'est voilà. Une galère, voilà. Bonjour. Nous avons des petites questions à vous poser. D'abord, bonjour. Bonjour. Voilà. Dans quel secteur êtes-vous de professionnel? Vendeur en fromage et volaille. Voilà. Et dans la tranche d'âge, il y a le choix entre 15 et 25, 30 à 25 à 40, 40 à 60. Et ah bah 40-60, hein. 40-60. Bon, bah c'est bien. Bon, bah, voilà. Bon, bah, tic. Bon. C'est correct. C'est correct. Ah, on est content. C'est voilà. Correct. Ouais, voilà. Alors, maintenant, on a une première question. Première question. Si vous pouviez comparer votre rythme de vie à un genre musical, lequel serait-il? Rock'n'roll, me dirais. Oh, ouais. Rock'n'roll. Ah, il y a un mélange de rock'n'roll et puis des fois de slow quand même. Ah oui. Ah, mais c'est sympathique tout c'est ça. C'est sympathique. Ah ouais. C'est dynamisant et en même temps ça danse. Ah ouais. C'est très bien. Ah ouais. Ah très ouais. Bien. Bon. Donc on va reprendre notre rythme de musique rock'n'roll avec de temps en temps slow. Oui. C'est bien ça. Bon, alors Tic, on va leur poser une deuxième question. Alors. Je vais y aller. Oui. S'il existait des contraventions quand on speed trop, combien en auriez-vous eu la semaine qui vient de se passer? Enfin, au moins une par jour. Oh oh, oh oui. Pareil. Une par jour? Oh oui. Oh mais dites donc, le permis à 12 points, là... Eh ben, on n'irait plus au boulot. Ah ben voilà. Plus de permis. Fini. Ah ben voilà. On ira en voilà. Trottinette. Ben voilà. Ah. Ben voilà. Ouais. Non mais là, c'est dans le rythme de la vie, alors effectivement, un par jour, d'accord. Ah, okay. Oui. Oh. Ouais. Oh. Ouais. C'est ça la vie, quoi. Bah oui. Punaise. Dis. Ah mais tu te rends compte? Ah mais Tic, tu te rends compte? Eh, à force de speeder, il n'y aura plus de permis, plus de permis, plus de travail. Mais au moins, là, on pourra se reposer un peu, quoi. Voilà, juste avant les fêtes de fin d'année, c'est idéal. Voilà. Voilà, donc... Punaise. Oh bah dis donc. Oh bah dis donc. Alors, on continue notre petite interview. On continue notre petite interview. Donc, la troisième question étant... Tic, vas-y. Alors, si vous aviez la possibilité d'acheter des heures, combien vous achèterez des heures par jour? Des heures supplémentaires. Supplémentaires. Ouais, supplémentaires. Hein. Ah oui, attention. En rab. En rab. Zéro. Oh. Pas facile. Allez, une par jour, c'est bien, pas plus. Bon. Hein. Ça a l'air d'être pas mal déjà comme c'est à l'heure actuelle alors. Oui, oh oui. Ah, on en fait déjà donc. Déjà assez là. Donc une heure par jour, ouais, non, vous êtes modeste. Hein. Oh, vous ouais. Faites partie de la catégorie modeste. Hein. Bah, ouais. Un tic. C'est tranquille. Hein. Ouais. C'est tac, moi je trouve ça. Ça fait partie des terriens cool. Hein. Voilà. Ouais. Parce que nous on vient de la Lune en fait. D'accord. Et on a atterri ce matin pour parler aux terriens. D'accord. Et donc voilà, on a commencé par là. Non, en exploration. Exploration. Vous prenez... Oui, pour oui, savoir oui, comment vous fonctionnez. Voilà. D'accord. Voilà. Expérimenter chez vous là-haut. Voilà. Et peut-être faire autrement aussi. Ah, ah bah, peut-être oui. Pas faire la même chose tout pareil parce que. Tout à fait. Ça dépend comment les gens ici ils vivent leur vie. Voilà. On essaye de prendre des pistes. Voilà. D'accord. Alors on vous remercie infiniment. Mais merci à vous. Beaucoup. Merci. Voilà. À vous. Merci. Bon séjour. Merci. Ah, merci. Thank you. chaloupé console. Faut que je m'oublie. La mise à 10 s'enlise et là ça fait peur. Si c'est ça. Et ça gêne quoi quand y a pas de plaisir. C'est comme ça. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bon, on va rester dans le vaisseau pour la nuit et on reviendra interroger ces terriens plus tard. Ouais. Pour l'instant, on va se reposer. À très bientôt, chères auditrices et auditeurs. Merci à Auriel, notre pianiste belge, pour son jingle.